Na tambola kina mokili na moni motolo pola yoteo moninga simbanga na loboko to tambola o tikanga iteo. Sonite, yango wana ndeko nanga, dalela ye, dalela. Emmanuel, sois avec moi.